Le chercheur supérieur à l'Institut du désarmement et de la paix près le ministère des Affaires étrangères de la République populaire démocratique de Corée a publié un commentaire titré « Renforcement des forces armées des États-Unis pour porter atteinte à la paix et à la stabilité dans la péninsule coréenne et dans le reste de la région ». En voici le résumé. Le 13 dernier, au port de Pusan, Corée du Sud, est entré le sous-marin nucléaire de type offensif dernier cri Mississippi de la marine américaine, équipé des dispositifs de lancement simultané de 12 missiles de croisière et de 4 lance-torpilles. Il est chargé de la mission des attaques contre les navires et sous-marins de l'adversaire et de l'assurance des opérations spéciales. Maintenant, les États-Unis ont lancé pour la première fois dans l'histoire en Corée du Sud et à ses environs les flottilles de frappe des porte-avions Stennis et Ronald Reagan, alors que sous prétexte d'élargissement de la zone d'opération de la 7e flotte de la marine américaine qui a sa base au Japon, la flottille de riposte à la surface d'eau du Pacifique de la 3e flotte, constituée des destroyers de missiles de croisière Spruance et Mommsen, est déjà disposée en Asie de l'Est, en prévoyant de lancer beaucoup plus de navires dans cette région. Les États-Unis projettent de livrer encore en août prochain, avec les autorités sud-coréennes, le simulacre de guerre d'agression contre nous, codé Uzi Freedom Guardian. Une fois déclarée une affaire non désirée dans la péninsule coréenne, cette responsabilité retombera entièrement aux États-Unis. Si les États-Unis veulent survivre ne serait-ce que maintenant, ils doivent renoncer tout de suite aux manœuvres de guerre insensées contre notre République, en proie à l'ambition de l'hégémonie mondiale de caractère anachronique et irraisonnable.